L'île au dragon, tome 2, des chroniques d'Arne encore par France Gautier. Chapitre 1er. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Antoine de Saint-Exupéry. Mon arrivée sur Xantir datait-elle seulement de quelques couchers de soleil, me disais-je le soir de mon arrivée devant la bibliothèque royale de Xantir. Il me semblait que cela faisait une éternité que j'avais franchi le détroit de Terre-Ain pour mes recherches dans les bibliothèques sur l'île sacrée. Traversée fort peu conventionnelle, il faut le reconnaître, qui délia beaucoup de langues autour de moi et une nouvelle fois m'attira des sympathies inattendues. Comme il arrive toujours en île finie, une légende s'était, dès le lendemain de mon terrible incident, immédiatement imposée, celle de l'humaine fée affrontant Ulysse le dragon tempête. Je gage qu'on verse même quelques sanglots plaintifs en racontant aujourd'hui mon désarroi et quelques sifflements en mimant les vents hurlants de Tully. On raconte sans doute quelques déchirures de voile, un gouvernail brisé et pourquoi pas un incendie dans le cotre dérivant seul au milieu du brouillard de l'immensité profonde de l'Opa Valta. Il me vient un soupir. En vous racontant cela, tant ma vraie traversée me semble tout à coup celle d'une autre. À l'heure où je vous parle, cette légende est déjà pourtant bien établie, gare à celui, moi comprise, qui oserait la détrôner. La vraie traversée, celle que je n'avais pu raconter à personne, celle qui m'avait vu affronter le dragon hurlant surgissant du brouillard, et celle qui m'avait vu finalement le défier et le supplier tour à tour, n'était-elle pas dans les profondeurs de mon être aussi puissante que n'importe quelle légende? Je n'avais parlé à quiconque de l'origine de ma blessure, dont la douleur de jour en jour me semblait moins vive. C'était une affaire entre Tully et moi, me disais-je lorsque j'avais mal, et, mystérieusement, le mal s'atténuait alors pour revenir plus douloureux lorsqu'on m'interrogeait sur lui. Le dragon tempête. Le seul auquel j'osais un peu m'ouvrir à propos du terrible incident, ainsi les elfes nommaient-ils ma traversée, était mon grand ami Irimald. Il ne me posa aucune question, mais commença dans ses missives à me parler du peuple des Drachnites, auquel le roi Imrold était très attaché. Il m'expliqua que les dragons sont de magnifiques êtres, parfois un peu frondeurs, mais bons, généreux, et insistait-il, d'une magnifique sensibilité. Il m'expliqua que, bien que des sept peuples, les plus méfiants envers les humains, fussent les Ophinites, les plus hermétiques à toute idée de relation avec un humain, quel qu'il soit, étaient les dragons, non par obscurantisme ni par méfiance, seulement par rigueur. Je ne suis pas certaine de bien traduire ce mot, sa vibration est bien plus forte en Elfinie. Cette rigueur n'est pas de la rigidité, le mot contient la notion d'inexorabilité de la chose. Je me rappelais alors les paroles de Dame Eve Neveg. Lis avec ton humanité, tu comprendras ce que les humains ont fait au peuple elfique. Ce qu'avaient fait les humains aux Drachnites, il me semblait aisé de le comprendre. Je n'en parlerai pas ici, car là n'est pas le propos pour que l'ancienne fraternité soit rétablie entre les humains et les elfes, pour le plus grand bien de tous. Je sais que certains de mes frères humains entendront entre les lignes les gémissements et liront les vibrations de souffrance de tous ces êtres, de tous ces lieux, et de tous ceux que certains humains massacrent, torturent et éliminent. Lorsque j'ai évoqué tout cela, bien plus tard, avec le roi Imrold, il se contenta de baisser la tête et me dit « Je suis né du dragon noble fée », et avec ce demi-sourire si là qu'il ne monte pas dans ses yeux, il rajouta « Demandez au sage Irimald, moi je ne peux pas vous en parler. » Irimald, auquel je racontais cette conversation, ne sembla pas surpris. Il me répondit seulement « Ils n'ont pas exterminé les dragons, ils ont effacé leur légende. » Lors de mes premiers affrontements avec les dragons, je ne savais pas cela. Je n'étais pas encore assez subtilement empreinte d'Elfinie pour en avoir l'intuition. Cela me sauva la vie, car à cette époque, je croyais que ma vie ne valait pas celle d'un dragon. Pour le moment, j'étais sur l'île sacrée. J'avais pensé arriver dès le lendemain de la traversée à la bibliothèque royale qui se trouve à une journée de marche du hameau de Belt, mais j'avais dû renoncer momentanément à ce voyage en raison de la terrible tempête qui agitait toute l'île. Ensuite, je mis finalement 2 jours pour arriver à la bibliothèque à cause de cette blessure à l'épaule qui m'épuisait et ralentissait chaque mouvement. Je fus bien aise à cette occasion d'avoir des compagnons de voyage. Pourquoi suis-je encore étonné en vous racontant cela? N'avais-je pas assuré à Irimald que nul n'est jamais seul en Elfinie? Voyagez avec moi l'elfe rouge d'Inmour, le garde royal qui m'avait accueilli à l'issue de ma traversée. Lui seul savait que j'avais été blessé plus douloureusement et profondément que le retour d'une simple bombe de voilier, et à ma demande, il se contenta de me procurer en silence des onguents dont l'odeur affreuse ne semblait indisposer aucun de mes compagnons, mais m'empêchait parfois de dormir. Le nain Yves-Kur, au regard toujours rieur, à la barbe épaisse et mal taillée, était mon deuxième compagnon. Grand conteur, placide et conciliant, il cachait mal sous ses airs débonnaires une sagacité lucide et toujours pertinente. Un silencieux bailleur bodnique nous suivait, invisible à mes yeux. Ce voyageur inapparent du peuple des arbres était pourtant très souvent en grande conversation avec Dinmour et Yves-Kur. J'appris plus tard qu'ils étaient de grands amis. Je les entendais bavarder des heures durant et parfois l'un ou l'autre de mes compagnons éclatait de rire à une remarque imperceptible et inaudible pour la trop humaine fée que j'étais encore alors. L'ambassadeur Urilis de la caste des elfes gris se joignit au dernier moment à nous. Dire qu'il fut le bienvenu parmi mes compagnons serait exagéré. Mais il avait une ambassade pour la bibliothèque royale et force fut de l'accepter parmi nous. Je dis parmi nous car je ressentais la même chose que mes compagnons. C'était le premier elfe peu supportable que je rencontrais. Il n'y en eut aucun de cette sorte et de cette manière. Hautain et persifleur comme un humain, il ne parlait que le plus haut langage que seul Dinmour était censé connaître. En réalité, si je parlais mal ce langage, et avec un horrible accent au perché et rocailleux du plus mauvais goût, à l'époque ma connaissance était déjà largement suffisante pour comprendre qu'il parlait mal de tous et de tout. C'est à cette occasion que je révélai à mes compagnons une part de moi peu glorieuse, mais qui m'assura plus tard quelques sympathies sur l'île sacrée. Entendre cette anecdote sera sans doute un peu frustrant ou déroutant pour mes amis humains, car les trois dimensions du mania ne permettent pas les subtilités de langage et de tonalité vibratoire. Mes amis des autres dimensions seront un peu privilégiés. Lors donc, nous étions à la deuxième et dernière soirée de notre bref voyage. Alors que pour la énième fois, l'ambassadeur admonestait mon nouvel ami Yves-Kur pour une broutille. Je me mets à fixer l'ambassadeur avec un air que j'essayais de rendre intelligent, subtil et point trop soucieux dans un même temps, comme j'avais appris à le faire en observant le langage silencieux de mes amis elfes. Finalement intrigué par mon silence et mon air, la petite compagnie se tourna vers moi. Je les dévisageai alors sans mot dire, en plissant les yeux à la façon d'une fée des marais de ma connaissance. Tous comprirent que j'allais dire ce qui en langage elfique s'exprime par ce qu'il ne faut pas dire, car ce n'est ni le moment ni le lieu. J'avais réussi à rendre cela si flagrant sur mon visage que tous s'immobilisèrent vivement et un grand silence nous enveloppa. Puis je pris la parole et je dis en bas langage, celui qu'un ambassadeur n'est pas censé comprendre, mais le premier qui l'apprend s'il veut survivre en Elfinie. Je murmurai, comme une confidence au feu que j'attisais méthodiquement. Donc, c'est vrai. Donc, c'est bien vraiment vrai. J'avais un air si perplexe, si vertueux et innocent qu'un chant n'aurait pu mieux faire. Eh bien, le feu ne va pas s'éteindre. M'interrompit assez lourdement l'ambassadeur de son ton brusque et peu avenant en bas langage. Je savourai un instant le plaisir subtil de découvrir que son accent était déplorable, plat et sans verve aucune. Puis, me tournant vers Yves-Kur et Dinmour, je repris avec une feinte crainte, tout en tentant de calmer la douleur vive entre mes tempes témoins de mes efforts, ou tout au moins de la rendre peu perceptible pour les autres. J'allais prononcer l'imprononçable qu'il ne faut pas dire. Heureusement, je me suis arrêté. Mon air mélodramatique monta magistralement d'un ton. « Ah, pourtant, combien de fois m'a-t-on averti ?» dis-je toujours avec mon air de fée des marais qui sait qu'elle ne trompe personne. Je vis le nain et le garde royal échanger un regard perplexe. Le peu qu'ils connaissaient de moi ne correspondait vraiment pas à cette petite humaine gracieuse, minaudière et craintive. À ce moment, je vis un arbre tressaillir, puis un autre et un autre encore, comme en un soubresaut hilarant. J'entendis pour la première fois une voix qui arrivait de l'intérieur de moi-même et qui susurrait. Tu sais que nous, les Bodnites, nous lisons dans l'esprit des êtres. Je le savais ô combien. Il l'apprit immédiatement. À un très bref instant, je sentis la grande force qui était en moi retentir en profondeur et mon esprit, une fraction de seconde, s'unit à ceux d'Evgur et de Dinmour qui surent instantanément, grâce au veilleur, la pensée que je ne pouvais exprimer devant un ambassadeur mais que j'avais fait en sorte de leur révéler. Ils éclatèrent de rire ensemble et les arbres se joignirent à eux. Je fis attention à garder mon air délicatement irrévérencieux mais irréprochable. L'ambassadeur ne comprenait pas ce qui se passait, prenait un air enfrogné, et mes amis redoublaient de rire devant sa mine, et il faut dire, la mienne. Dinmour s'avança vers moi, et m'aidant à me lever car la douleur de ma blessure s'était ranimée avec ma douleur aux tempes, il me dit allègrement « L'Elgara, tu as fait rire un elfe royal, un Bodnit et un nain ensemble au même moment et dans un même lieu. Cela se rajoutait à ta légende. » L'ambassadeur ne sut jamais ce qui était vrai, vraiment vrai, ce soir-là. Mes compagnons ne me posèrent pas de questions, et tout fut vite oublié. Mais je sentais désormais la pensée amicale et paisible du Vodnit autour de nous. Et j'eus mon premier dialogue avec un Vodnit. Mon nouvel ami au nom imprononçable me proposa de lui donner un nom à lui. Je ne réfléchis pas trop et je l'appelai Jad, un prénom que j'affectionne particulièrement. Au début, nos conversations furent un peu lentes, et me causaient des douleurs aux tempes et derrière les yeux, mais après quelques heures, nous communiquions déjà avec fluidité et moins douloureusement pour moi. Il me raconta comment il avait été surpris et même incrédule lorsqu'il avait reçu de moi cet appel télépathique afin de l'aider à rétablir l'équilibre. Cela avait été les seuls mots que j'avais réussi à introduire assez fortement dans sa pensée pour qu'il acceptât de m'aider. Il me demanda pourquoi je n'avais pas cherché plus tôt à le contacter, mais il comprit vite cette pensée que j'avais et que j'ai encore aujourd'hui. On doit toujours avoir une vraie raison pour engager une conversation, sinon cela n'est pas la peine. On risque de se blesser ou d'être mal compris. Jad se révéla être un être extraordinaire pour mon ressenti si humain encore. Nous nous sommes revus bien des fois, et souvent nous évoquons ce moment où j'avais révélé à moi-même que c'était vrai, vraiment vrai, que même en Elfinie, il peut se trouver des êtres un peu sympathiques. Nous reprîmes la route le lendemain à l'aube. La nuit fut calme, j'entendais les murmures et les rires des trois amis. Je percevais maintenant des bribes de conversation, les mots Tully et Elgara revenaient parfois, et puis un grand éclat de rire et un frisonnement d'arbres au mot de Toubun-A, qui est la fée des marais que j'avais rencontrée avec la douce fée Odeline, et qui m'avait tant impressionné par sa grâce légère et si primesautière. Cependant, ces conversations ne me gênaient plus comme avant, car je savais que mes trois compagnons parlaient de leur ami Elgara et non de l'humaine fée.